الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، parmi ce qui nous montre la perfection de la religion de l'islam, sa législation et ses différentes règles, la facilité que l'on trouve dans cette religion, la facilité, sa mansuétude. Allah tabaraka wa ta'ala, dans tout ce qu'il nous a légiféré, il a été rahim envers nous. Il a eu pitié de nous. Il a eu de la miséricorde envers nous. Et parmi les sujets dans lesquels nous apparaît cela, c'est al-mas'u 'ala al-khuffayn, l'essuyage sur les chaussons. Après avoir étudié durant des cours précédents les règles relatives des ablutions, à savoir les conditions, les obligations et la description des ablutions, ainsi que les annulatifs et les actes ou paroles recommandés durant les ablutions, nous allons aujourd'hui étudier, incha'Allah ta'ala, le cas de la personne qui porte des chaussons ou des chaussettes au moment de faire ses ablutions, au lieu d'enlever cela pour laver ses pieds, il lui est permis, il lui est légiféré, parfois recommandé, de faire ce qu'on appelle al-mas'u 'ala al-ha'il ou bien al-mas'u 'ala al-khuffayn, l'essuyage sur et les chaussons ou bien sur ce que la personne porte. Ceci fait partie des chapitres dans le fiqh, Babul Mas'hi al-Ha'il. Ceci fait partie des chapitres dans les livres de jurisprudence. Premièrement, que signifie Al-Khuf? Al-Khuf, c'est ce qui est porté aux pieds, qui couvre les pieds. Et en général, c'est fait de peau. Quant à Al-Jawrab, quant aux chaussettes, c'est fait de laine ou de tissu. Le deuxième point, il nous faut savoir que l'essuyage sur les chaussettes ou les chaussons est une chose légiférée en islam. On trouve dans le Coran la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dans sourate Al-Ma'ida, il y a ayatul wudu, il y a le verset des ablutions, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, et essuyez sur vos têtes, et lavez vos pieds jusqu'aux malléoles. La personne a donc l'obligation de laver ses pieds jusqu'aux malléoles, proche des chevilles. Mais dans le cas où elle porte des chaussons ou des chaussettes, on trouve plusieurs récits prophétiques affirmant le fait d'essuyer directement sur les chaussons ou sur les chaussettes. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, rahmatullahi alayhima, Jarir ibn Abdillah al-Bajali, radiallahu anhu, nous dit: Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffayhi. J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam uriner, puis il s'est purifié, a fait ses ablutions et a essuyé, ou en essuyant sur ses chaussons. Et il nous faut savoir que Jarir ibn Abdillah al-Bajali s'est converti à l'islam lors de l'année des délégations lorsque les gens accouraient de toute la venaient de toute la péninsule arabique pour rencontrer le prophète alayhi salat wa salam, écouter de lui, embrasser l'islam. Et Jarir ibn Abdillah al-Bajali est venu lui en l'an 10, est venu lui en l'an 10, ce qui nous fait comprendre que al-mas' ala al-khuffayn, c'est légiféré, c'est permis, recommandé, et cela n'a pas été abrogé. Car le verset des ablutions dans Sourate Al-Ma'ida a été révélé en l'an 6. En l'an 6, et Jarir ibn Abdillah est venu en l'an 10 après l'Hégire. Donc, c'est un jugement qui n'a pas été abrogé. Après avoir mentionné cela, sachez qu'il y a plusieurs autres hadiths. Mentionnons la parole d'Ibn al-Munziri, rahimahullahu ta'ala, et d'autres, qui rapporte le consensus des savants quant au caractère légiféré de l'essuyage sur les chaussons. Ajma al-ulama ala mashru'iyyati al-mas'i ala al-khuffayn. Tous les savants sont d'accord pour dire qu'on peut essuyer sur les chaussons. Et personne n'a contredit cela, si ce n'est des égarés parmi les sectes innovatrices. Parmi les sectes innovatrices, elles ne peuvent être qu'ainsi, à l'image de Rafida, à l'image de Al-Khawarij et autres. Eux n'ont pas reconnu Al-Mas' ala Al-Khuffayn. Eux n'ont pas reconnu Al-Mas'u ala Al-Khuffayn. Barakallahu fikum. Le troisième point, ma huwa al-afdal? Ma huwa al-afdal? Al-Mas' am il-Ghasl? Quelle est la meilleure chose à faire? Est-ce d'essuyer sur les chaussons ou de les enlever pour laver les pieds? Quelle est la meilleure chose à faire? Les savants ont divergé à ce sujet. Certains ont dit le mieux est de laver parce que c'est la base et la base est meilleure que la branche. Et également, ils ont dit que la plupart du temps, le prophète alayhi salatu wasalam lavait ses pieds. Il lavait ses pieds. D'autres ont dit le mieux est d'essuyer et de ne pas ôter ses chaussons. Car lorsque Al-Mughira est venu pour enlever les chaussons du prophète alayhi salat wa salam, le prophète alayhi salat wa salam lui a dit: laisse-les, car je les ai enfilés en ayant les ablutions, en ayant la purification. Deuxièmement, ils ont dit que le prophète alayhi salat wa salam, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il choisissait toujours la chose la plus facile. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux choses, il choisissait toujours la chose la plus facile. Et c'est plus facile de garder ses chaussons pour essuyer dessus que de les enlever pour laver ses pieds. Naam. Et l'avis prépondérant chez beaucoup de grands savants est de dire que ça dépend de la situation et du besoin. Cela dépend de la situation et du besoin. Si la personne porte ses chaussons ou ses chaussettes, qu'elle a enfilées en ayant ses ablutions. Plus tard, elle a perdu le wudu et refait ses ablutions, par exemple pour la prière. On lui dit dans ce cas-là, le mieux est d'essuyer sur tes chaussons, car tu portes déjà ces chaussons. Et dans le cas où la personne ne porte rien aux pieds, on ne lui demande pas d'enfiler ses chaussons ou ses chaussettes pour refaire le wudu pour la prière à venir. Mais il fera le wudu et lavera ses pieds. Donc, il fait selon l'état dans lequel il se trouve. Le second facteur, à prendre en considération ici est le besoin. Si il fait froid, par exemple, ou il n'a pas beaucoup d'eau, ou encore il est sujet à de l'eczéma, par exemple, ou toute autre maladie qui peuvent affecter sa peau, dans ce cas-là, on lui dira d'essuyer. C'est meilleur que de laver ses pieds, car lorsque le prophète alayhi salam avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous accorde une facilité, il aime qu'on la saisisse. Il aime qu'on la saisisse. Le troisième point à prendre en considération, c'est le lieu dans lequel se trouve cette personne. Si elle se trouve dans un lieu où cette sunna est ignorée, alors il convient de la revivifier, il convient de la mettre en pratique, il convient de l'enseigner. Et pour ce faire, il va essuyer sur ses chaussons. Il va faire connaître cette sunna, il va propager cette sunna, il va faire aimer la sunna du prophète sallam et cet islam. Particulièrement si c'est une personnalité ou l'imam de la mosquée ou un étudiant en sciences, ces derniers seront sujets aux sollicitations des membres de la communauté. Le regard est porté sur eux et ainsi de suite. Donc, il est bon dans leur cas de faire al-masḥ pour véhiculer, pour propager cette tradition prophétique, pour enseigner aux gens cette facilité, cette mansuétude qu'il y a dans l'islam. Barakallahu fikum. Et pour finir, s'il se trouve dans un lieu où il y a des gens de l'innovation qui blâment cette action-là, ou qui ignorent cette action-là, ou qui combattent cette action-là, pour se distinguer des gens de l'innovation et montrer et renforcer la sunna, il sera bon qu'il essuie sur ses chaussons. Pour renforcer les gens de la sunna, pour montrer et élever la sunna, il sera bon qu'il essuie sur ses chaussons. Il sera bon qu'il essuie sur ses chaussons. Le quatrième point, shurutu jawazil mashi ala al-khuffayn, les conditions à réunir pour pouvoir essuyer sur les chaussons. Quelles sont les conditions à réunir pour pouvoir essuyer sur les chaussons? Premièrement, le fait d'enfiler ses chaussons en ayant au préalable ses ablutions. Labsuhuma ala tahara. La personne a donc ses ablutions et elle met ses chaussons. Ça, c'est la première condition. Il faut avoir al-wudu au moment où on enfile nos chaussons. Dans le cas contraire, on ne pourra pas essuyer dessus au moment des ablutions à venir. Pour preuve, dans le recueil de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, Al-Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu anhu nous dit: Kuntu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar. J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage. Fa'ahwaytu li anzi'a khuffayhi faqal. Je me suis dirigé vers lui pour lui enlever ses chaussons. C'est-à-dire que le prophète sallam a fait ses besoins, puis au moment de refaire al-wudu, Al-Mughirah a voulu être serviable et honorer, s'occuper du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'aider. Il s'est donc dirigé vers lui, a tendu sa main pour lui retirer ses chaussons. Pour lui retirer ses chaussons. Radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Laisse-les, car je les ai enfilés en étant en état d'ablution. Je les ai enfilés après avoir fait mes ablutions. Les savants ont tiré de ce hadith la condition d'avoir ses ablutions au moment d'enfiler ses chaussons pour pouvoir par la suite essuyer dessus. Pour pouvoir par la suite essuyer dessus. Une question que les savants mentionnent Dans le cas où la personne n'a pas complètement fini al-wudu, ses ablutions, est-ce qu'elle peut enfiler ses chaussons ou non? Et est-ce que par la suite, elle pourra essuyer dessus ou non? Je m'explique. Une personne qui fait ses ablutions, arrivée au pied droit, elle lave le pied droit. Puis elle enfile le chausson droit. Dans ce cas-là, est-ce qu'elle a enfilé le chausson droit en ayant la purification complète ou non? Puis elle lave le pied gauche et après cela enfile le chausson gauche. Quant au chausson gauche, il l'a enfilé après la purification complète. Mais quant au chausson droit, il l'a enfilé après la purification, mais pas la purification complète. Est-ce que dans ce cas-là, lorsqu'il voudra refaire el-wudu, est-ce qu'il pourra essuyer? Est-ce qu'on considérera que cet homme-là a enfilé ses chaussons en ayant la purification ou non? L'avis prépondérant est de dire qu'il peut essuyer dessus. Car lorsqu'il a mis le chausson droit, le pied avait été purifié. Et lorsqu'il a mis le chausson gauche, les deux pieds avaient été purifiés. Ainsi, on peut dire de lui qu'il les a enfilés en ayant la pureté, en ayant fait ses ablutions. Malgré tout, même si c'est valable, il ne convient pas d'agir ainsi. Pourquoi? Car de sortir de la divergence est recommandé. Car de sortir de la divergence est recommandé. Et il convient aux musulmans de s'éloigner des choses douteuses. Des choses douteuses. Un autre point, si la personne a mis ses chaussons après avoir fait at-tayammum, les ablutions sèches, non pas avec de l'eau, mais avec une chose pure telle que la terre, le sable, des pierres ou autre. Est-ce que ce dernier peut faire al-mas' ala al-khuffayn après ça? S'il, par exemple, on va supposer qu'il n'avait pas d'eau, on va supposer qu'il est malade, et ainsi de suite. Celui qui ne peut faire ses ablutions avec l'eau, comme la plupart le savent, Allah Azzawajal lui a donné en recours at-tayammum. At-tayammum. Les ablutions sèches, la purification sèche. Ce qui consiste à taper la chose pure comme le sol, à s'essuyer le visage, puis les mains. Puis les mains. Au final, il met ses chaussons. Il met ses chaussons. Est-ce que ce dernier pourra essuyer dessus ou non? Est-ce qu'il pourra essuyer dessus ou non? L'avis prépondérant est de dire que cela lui est permis. Pourquoi? Parce que Tayammum, c'est une purification complète. Car Tayammum, c'est une purification complète. Pour qui? Pour celui qui a besoin de faire cela. Comme celui qui n'a pas d'eau, comme celui qui est malade, comme celui dont l'utilisation de l'eau retarde sa guérison, et ainsi de suite. Comme celui qui n'a pas assez d'eau, donc il garde cette eau-là pour boire et a recours au tayammum, aux ablutions sèches. Donc toute personne qui a cette légitimité, toute personne qui a cette permission, toute personne qui a besoin, au final, de faire un tayammum enlève son état d'impureté. At-tayammum enlève son état d'impureté. Donc pourquoi est-ce qu'on dirait qu'il ne peut pas essuyer sur ses chaussons? Il peut essuyer sur ses chaussons. Mais la différence entre tayammum et le lavage avec de l'eau lors de la purification est que tayammum ôte l'état d'impureté jusqu'à un temps déterminé, qui est le fait d'avoir de l'eau, de pouvoir avoir recours à l'eau, qui est de trouver de l'eau ou pouvoir utiliser de l'eau. La première condition est donc d'enfiler ses chaussons en ayant la purification, en ayant les ablutions. La deuxième condition, ibahatuhuma, le fait que ses chaussons soient licites, lui soient licites, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été dérobés, ils n'ont pas été volés. Ils ne sont pas de soie pour les hommes. Ce ne sont pas des chaussons en soie, car l'homme n'a pas le droit de porter de la soie. Donc il faut que ces chaussons lui soient licites. Ne soient pas volées, ne soient pas de soie pour les hommes. Pourquoi? Parce que dans le cas où il les a arrachés, les a dérobés, il les a volés, ou bien ils sont de soie pour les hommes, dans ces cas-là, le simple fait de les enfiler, c'est un péché. Le simple fait de les enfiler entre dans le péché. Il ne peut donc pas utiliser ou se permettre d'utiliser la facilité qu'Allah a accordée à ses adorateurs en commettant le péché. Le péché ne vient pas concourir à cette permission. Le péché ne va pas lui... De ce péché-là, on va... ne découlera pas une facilité. La facilité est dans l'obéissance d'Allah et non pas dans sa désobéissance. Ajoutez à cela que si on lui disait, tu peux essuyer sur ces chaussons-là, cela reviendrait à lui dire que tu peux continuer à porter ces choses qui te sont illicites, alors qu'il a la capacité de les enlever. Prenez l'exemple d'un homme qui a volé des chaussons. Si on lui dit qu'il peut essuyer dessus, ça veut dire qu'il peut les garder aux pieds, alors qu'il pouvait les enlever. Alors qu'il pouvait les enlever. Ainsi, en leur donnant cette permission, on va leur permettre de continuer à porter le haram, alors qu'ils ont la capacité de ne pas le faire. Alors qu'ils ont la capacité de ne pas le faire. La troisième condition, taharatul ayn, le fait que ces chaussons ne soient pas faits d'une matière impure de base, ne soient pas une chose impure en soi, telle que le chien, l'âne, telle que le porc. Ce sont des choses impures. Non pas parce qu'on a fait tomber quelque chose dessus. Non pas car ils ont été souillés par une chose. Mais cette créature elle-même, cet animal lui-même en soi est impur. On ne peut pas le rendre pur, par exemple, en le lavant, ou en l'exposant au soleil ou autre, en utilisant des détergents ou autre. Non. Cette chose-là est impure en soi, le chien, le porc, et ainsi de suite. Donc, on ne peut essuyer sur des chaussons qui ont été faits, par exemple, de peau de porc ou de peau de chien. À ne pas confondre avec une autre question, qui est le cas de la personne qui porte des chaussons et qui par la suite a souillé ses chaussons, qui par la suite a souillé ses chaussons en marchant sur une impureté. En marchant sur une impureté. Donc la matière des chaussons n'est pas impure. Mais une impureté, qu'on appellera ici passagère, a touché ses chaussons. Lui, l'essuyage des chaussons lui est permis, lui est licite, lui est valable. Mais pour accomplir la prière, on lui dira d'enlever cette impureté, de laver. l'endroit qui a été souillé. Donc on ne mélange pas les deux questions. Celle où le chausson a été fait d'une matière impure en soi et celle où ça n'est pas le cas, mais une impureté passagère l'a touché. Lui, la seule condition pour prier sera, Naam, sera qu'il enlève cette impureté en lavant cette impureté. Certains savants ont mentionné parmi les conditions Satru Mahallil Fard, le fait que les chaussons couvrent la partie à laver dans le cas où on ne porte pas de chaussons. Le fait que les chaussons couvrent la partie à laver dans le cas où on ne porte pas de chaussons, donc la partie de base, à savoir le pied, jusqu'au malléole. Les malléoles étant les deux boules qu'il y a à droite et à gauche de la cheville, à droite et à gauche de la cheville. Et d'autres parmi les savants ont dit, il n'y a pas de preuve claire à ce sujet. Ainsi, on revient à la base qui est de ne pas conditionner cela. Mais on dira plutôt qu'il faut que le chausson couvre la plupart de la partie à laver. La plupart de la partie à laver. Ainsi, cela nous amène à la question des trous dans les chaussons, les chaussettes. Est-ce que la personne qui a des trous, un ou plusieurs, peut quand même essuyer si on voit un minimum son pied? La réponse est oui, tant que cela s'appelle des chaussons ou des chaussettes. N'est-ce pas que certaines personnes ont un trou au talon, ou un trou au pouce, ou un trou au milieu, en dessous, et ainsi de suite. Mais continue à porter ces chaussons, ces chaussettes. Continue d'appeler cela chaussons, chaussettes. Tant que c'est le cas, on peut essuyer dessus. Et vous n'êtes pas sans savoir que la situation des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour beaucoup, était très limitée. Et ils vivaient de manière très modeste. Et sans aucun doute, il y avait des trous sur certains de leurs vêtements. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas interdit. Et il y a la célèbre expédition Dhatu al-Riqa', Naam, une des expéditions qui a été appelée ainsi. Donc, on permet l'essuyage sur les chaussettes ou les chaussons, malgré quelques trous, tant que cela reste appelé chaussons, chaussettes, et que ça peut être porté. Imaginez un homme. Puisse Allah nous mettre à l'abri du besoin, qui porte des chaussons, mais dont on voit, suite à une déchirure, l'ensemble des doigts de pied, ainsi que le talon dans son entièreté. Est-ce que, de manière générale, la personne portera cela, sortira avec, montrera cela? Non. Donc sur cela, on ne va pas essuyer. Parce qu'on n'appelle plus cela des chaussettes. On n'appelle plus cela des chaussettes. Barakallahu fikoum. Mais quelques trous. Naam. On peut quand même, on peut malgré tout essuyer dessus. On peut malgré tout essuyer dessus. Et une question qui est très souvent exposée, demandée, c'est pouvons-nous essuyer sur les chaussettes? Pouvons-nous essuyer sur les chaussettes? Donc, les savants disent oui, on peut essuyer sur les chaussettes. Pourquoi? On peut essuyer sur les chaussettes car dans le recueil d'Imam Daoud et à Tirmidhi, rahmatullahi alayhima, selon le Mourira, selon El-Mourira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur al-jawarabayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur al-jawarabayn et an-na'layn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur ses chaussettes. et ses chaussons ou ses bottines. Donc, c'est permis. Donc, c'est permis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. L'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala dit, cela a été affirmé de sept compagnons ou huit. C'est la parole d'Imam Ahmed. Sept ou huit compagnons ont fait cela. Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala nous dit, et on ne connaît pas de compagnons les ayant contredit, s'étant opposés. Ainsi, c'est un consensus. Ainsi, c'est un consensus. Et l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit, يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين كما يجوز المسح على الخفين لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه مسح على الجوربين. Je vous lis la fatwa d'Ibn Baz quant au jugement d'essuyer sur les chaussettes. Il dit, c'est permis d'essuyer sur les chaussettes pures qui couvrent, tout comme il est permis d'essuyer sur les chaussons. Et cela car ça a été affirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a essuyé sur les chaussettes et sur un na'alayn. Aussi, ça a été affirmé ou avéré de la part des compagnons du prophète sallam. C'est-à-dire qu'ils ont essuyé sur les chaussettes. Puis il a expliqué la différence entre al-jawrab et al-khuf. La différence entre les chaussettes et les chaussons, c'est que al-khuf, ma yusna'u min jild, c'est ce qui est fait de peau. Quant aux chaussettes, c'est ce qui est fait de coton ou de choses semblables parmi les tissus. Naam. Donc voici le jugement quant à l'essuyage sur et les chaussettes. Une autre question qui est souvent posée, quel est le jugement d'essuyer sur les sockets? Quel est le jugement d'essuyer sur les collants? Quant aux sockets, c'est-à-dire des chaussettes ne couvrant pas entièrement la partie à laver à la base. Et les sockets, par définition, ne remontent pas jusqu'au malléole, mais couvrent la plupart du pied. Les savants divergent à ce sujet. Ceux qui disent on conditionne le fait de couvrir l'entièreté de la partie à laver à la base disent on ne peut pas essuyer sur les sockets. Et ceux qui disent on conditionne de couvrir la plupart du pied, eux disent, oui, on peut essuyer sur les sockets. Pourquoi? Car il n'y a pas de texte clair venant conditionner le fait de couvrir l'entièreté du pied. L'entièreté du pied. Donc ce qui apparaît, et c'est l'avis prépondérant chez certains parmi al-mujtahidoun, parmi ceux qui ont atteint le niveau de faire des efforts de réflexion, comme Ibn Taymiyyah et autres, ils disent qu'on peut essuyer sur les sockets. Néanmoins, certains de nos grands savants disent, vu que la divergence est forte, le mieux est de sortir de la divergence. Le mieux est de sortir de la divergence. Mais on ne dira pas à la personne qui a fait cela que ça n'est pas valable. Pareillement pour les collants, la femme peut essuyer. Naam, la femme peut essuyer dessus. Si Mada, ça n'est pas ouvert. Naam, si ça n'est pas ouvert, mais que le pied est à l'intérieur, sans que ça ne soit ouvert. Je ne sais pas comment Mada faire comprendre cela, mais ça doit couvrir le pied. Ça doit couvrir le pied et ne pas être ouvert. La dernière condition, la dernière condition est le fait de respecter le délai, le temps permis dans la religion. Dans le recueil de l'imam muslim, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nous dit: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a accordé 3 jours ainsi que leur nuit pour celui qui est en voyage. Pendant 3 jours et 3 nuits, il lui est permis de faire l'essuyage sans retirer ses chaussons ni ses chaussettes. Pour le résident, il lui est permis 1 jour et 1 nuit. 1 jour et 1 nuit. Comment compter et à partir de quand commence ce délai? Pour compter, il te faut prendre le moment après avoir essuyé sur tes chaussons où tu vas refaire El Wudu. Où tu vas refaire El Wudu après les avoir perdus. Après avoir perdu tes ablutions. On va prendre un cas concret pour que ce soit clair. La personne a fait El Wudu pour la prière du Fajr. À 6 heures. Elle a fait le wudu pour la prière du Fajr à 6 heures. Puis, elle a perdu le wudu à 8 heures. Naam. Elle a enfilé ses chaussons pour le Fajr. Elle a perdu le wudu à 8 heures. Mais elle ne refait ses ablutions qu'à 14 heures pour la prière du Dhuhr. Jusqu'à quand cette personne peut essuyer alors qu'elle, en sachant qu'elle est résidente? Est-ce que c'est à partir du Fajr, quand elle a fait le wudu? Est-ce que c'est à partir de 8 heures? Donc est-ce que c'est à partir du Fajr, au moment où elle a fait le wudu et a mis ses chaussons? Non. Est-ce que c'est à partir de 8 heures, au moment où elle a perdu, au moment où cette personne a perdu El Wudu? Non plus. Est-ce que c'est à partir de 14 heures, au moment où elle a refait ses ablutions et pour la première fois a essuyé sur ses chaussons? En effet, c'est à partir de 14 heures qu'il faudra compter. Ainsi, cette personne pourra refaire le mesh jusqu'au lendemain au Dhuhr. Ainsi, cette personne pourra refaire le mesh jusqu'au lendemain au Dhuhr pour... C'est pour toutes ces prières-là. Et autre cause de purification. Donc, il aura 24 heures à partir du moment où il aura essuyé, à savoir dans notre exemple, le Dhuhr. Donc, on ne commence pas à compter au moment où on a mis les chaussons, ni au moment où on a perdu El Wudu, la purification, mais plutôt à partir du moment où on a essuyé pour la première fois sur les chaussons. On a essuyé pour la première fois sur les chaussons. Voici le temps. Puis, il y a certains points à étudier, comme ce qui fait que la personne ne peut plus essuyer et aussi perd ses ablutions. Donc, tout ce qui annule les ablutions, qu'elle ait ses chaussons ou non, c'est la même chose. C'est la même chose. Le deuxième point, c'est si lui arrive une chose qui rend obligatoire le roussel, le grand lavage. Ben, il ne peut plus essuyer dessus. Car l'essuyage est permis pour les petites impuretés et non pas le grand état d'impureté. Ce qui rend obligatoire le roussel ne rend plus permis l'essuyage. Dans le hadith de Safwan, radiallahu an, rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhima, كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. Lorsque nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage, il nous ordonnait de ne pas retirer nos chaussons durant 3 jours et 3 nuits. Exception faite de celui qui était en état de janaba. Sauf celui qui est en état de janaba. On comprend de cela que ce qui rend obligatoire le grand lavage ne permet plus de faire l'essuyage. Il y a également le cas de celui qui a dépassé le temps permis. C'est-à-dire, il a fait l'essuyage et 24 heures après, 24 heures après, ce dernier, soit il perd ses ablutions, soit il retire ses chaussons et perd ses ablutions. Et certains savants disent que ça ne lui fait pas perdre ses ablutions, mais il ne peut plus essuyer. Donc certains disent qu'il perd ses ablutions, et d'autres disent qu'il ne peut plus essuyer dessus. Et dans ce genre de questions, tant que nous n'avons pas étudié en profondeur auprès des gens de science ces questions-là, il convient de choisir la sécurité pour sortir de la divergence. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين